ya, and it desists. Un nouveau morceau, juste pour cracher ce que j'ai sur le cœur. Je me suis éloigné du rap pour prendre du recul. Trop de pédés derrière le mic, putain, je les encule dans leur bulle. Ils sont tous des grosses testicules, ridicules. Quand je dégaine dans leur bouche, j'éjacule en majuscule. Je baise le rap français. On matricule le 8-9, mais qu'est-ce que tu penses? Qui a dit que, qui a dit quoi? Tout dit, c'est mon groupe, et même tout seul, je vous broie. J'accrois, surcrois, garde le sang-froid. M'aperçois tous les jours que je vis le désarroi. Je me noie dans le mal, j'suis devenu maladroit. Y'a Rabbi, aide-moi que je ne perds pas la foi. Le respect s'est pendu, les âmes se sont vendues. La rue est corrompue, il n'y a plus de vertu. Déçu de mon vécu, je ne l'ai pas décidé. Têtu, je continue sans peur de décéder. Le passé, je pourrais jamais l'effacer. Terroriste au micro, plus d'un génocide. J'ai le micro contrôle. Troisième millénaire et le système est encore immonde. Le passé, je pourrais jamais l'effacer. Terroriste au micro, plus d'un génocide. J'ai le micro contrôle. Ici les fleurs poussent sur des fleuves de lave en fusion. De retour du plaid, la France m'a mis une claque. Sur le visage, j'ai vu que les gens craquent. Paranoïaque, j'ai la haine dans l'estomac. Un bosnien perdu dans ce monde démoniaque. Sale macaque, ça fait de moi que t'es au pouvoir. Je n'ai rien pu voir, ton discours est illusoire. La gloire, c'est ce que t'as voulu avoir. Mais nous on pisse dessus, garde ça toujours en mémoire. Tu peux nous censurer le rap sur Skyrock. Tu peux pas prendre le mic, car c'est ma drogue. C'est ma vie, mon avenir, ce qui m'empêche de devenir le pire des enculés qui est prêt à tout détruire, souffrir, mourir avec un grand sourire. Haïr, pourrir, son check toujours fournir. Durcir, mûrir et construire mon empire. Réfléchir puis agir afin de faire plaisir. Le passé, je pourrais jamais l'effacer. Terroriste au micro, la pure d'un génocide. J'ai le micro contrôle. Troisième millénaire et le système est encore immonde. Le passé, je pourrais jamais l'effacer. Terroriste au micro, la pure d'un génocide. J'ai le micro contrôle. Ici les fleurs poussent. Mon poteau Barnes m'a dit la violence mène nulle part. Mais elle fait partie de moi, cousin, c'est trop tard. Trop tard, quand je ressens cette envie de tuer. J'ai l'air calme, mais le mal en moi s'est accentué. Avoué, je vous dois, mon cœur est pollué. Je me sens si vide, je n'ai pas envie d'échouer. J'ai joué, le chétan me tient dans sa buée. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus où me situer. Ces mots sont si lourds, je ne vois pas le secours. Je n'ai plus d'amour depuis les obus dans ma cour. Depuis, je parcours l'Europe, les alentours. Et je cours le risque de me perdre au carrefour. Le passé,